I just checked my messages, I'm 15 years old. Everyone's expecting me to do what I'm told. Time is ticking, I feel it all around. I wanna break free, but I don't make a sound. Un SMS vient d'arriver, j'ai 17 ans. Envoler ma virginité, je suis plus une enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides. Et moi je rêve d'accélérer le temps. Dam dam de oh oh oh. C'est le temps.